Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et pour ce dernier segment d'émission, nous sommes en compagnie de Marie-Claude Dionne qui a envie de prolonger un peu l'ambiance du temps des fêtes pour nous parler d'une représentation de la nativité vieille de 3000 ans. Je crois que ça, c'est avant la nativité, ça me semble. Exactement. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, je vous parlerai donc d'une découverte qui n'est pas récente, mais qui nous est parvenue depuis peu. On parle de 2005, où une équipe italienne menée par le géologue Marco Morelli, cette équipe-là a découvert une peinture rupestre des plus surprenantes au fin fond de l'Égypte. Et c'était celle d'une scène qui vraisemblablement représente la nativité chrétienne. Donc, qu'est-ce qui a été peint? Qu'est-ce qui fait penser que ça représente la nativité? En fait, tout simplement, on y voit un homme, une femme et un enfant, voire peut-être même un bébé, deux animaux et un petit objet circulaire qui pourrait être la représentation d'une étoile. Mm-hmm. C'est sûr que c'est assez vague, mais c'est quand même des éléments qui sont pas sans rappeler la scène de la crèche, de Noël. Donc, cette peinture-là se retrouve au fond d'une cavité sur le plafond d'une grotte du désert du Sahara égyptien. Elle a été faite à partir d'ocre de couleur rouge qui tire un peu sur le brun. Et d'un point de vue esthétique ou artistique, la peinture de cette grotte-là n'est pas trop inhabituelle. Puis je m'explique, c'est qu'à cette époque-là, soit il y a 5000 ans, l'art pariétal du Sahara connaît une période que les historiens de l'art appellent la période pastorale, qui en fait a existé ou se situe entre 7000 ans à 3000 ans avant aujourd'hui. Il s'agit d'une période où la plupart des peintures qui existent, qu'on a retrouvées, représentent des scènes composées d'humains, donc un mélange d'hommes et de femmes, qui sont accompagnés de leur bétail domestiqué. Mm-hmm. C'était après tout à cette époque-là, à la préhistoire, le plus grand souci de cette culture-là. Les hommes voyageaient à travers le Sahara avec leur bétail domestiqué, au gré des prairies et des lacs d'eau douce peu profonde. Un paysage qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le désert du Sahara, parce que le climat a largement changé depuis déjà des millénaires. Et cette période artistique est aussi connue pour un style qui est naturaliste, ou on peut dire un style qui est réaliste, et elle évoque aussi des scènes de tous les jours. Les peintures sont plus détaillées que celles des périodes antérieures, donc les périodes avant, et elles semblent exprimer une préoccupation concernant la composition, donc la disposition des éléments sur la scène. C'est exactement. Ça? Donc, vraisemblablement, c'est un type d'art qui était déjà connu à l'époque et qui connaissait même déjà une évolution. Les chasseurs-cueilleurs du sud de l'Égypte en étaient donc pas à leur première œuvre d'art, si on veut. Oui, donc, mais est-ce que cette peinture, on la considère comme étant la première représentation de la nativité qu'on a retrouvée aujourd'hui? On pourrait dire, si on la considère comme telle, oui. Parce que pour avoir les vraies, disons, celles qui sont plus vraiment reconnues comme telles, faut attendre la période de l'Antiquité romaine, aux alentours du 4e siècle de notre ère. C'est pas mal plus tard. Exactement. Et après aussi, débuts de la... De la nativité. Ça arrive tardivement après la nativité, 4 siècles. Exactement. Donc, pour les œuvres d'art qu'on va voir avec cette thématique-là, on les retrouve sur des reliefs de sarcophages ou des peintures dans les catacombes. Surtout la scène qu'on connaît aujourd'hui comme l'adoration des mages, qui montre la visite des mages lors de la naissance de Jésus-Christ. Dans cette iconographie-là, on retrouve entre autres Marie, on va trouver l'enfant, donc Jésus-Christ, les mages et l'étoile qui les a guidés. Mais comme souvent l'art s'inspire de d'autres œuvres d'art, il n'est pas surprenant de voir que l'adoration des mages ressemble étrangement aux scènes qui ont longtemps paré les murs des palais royaux assyriens. En fait, c'est qu'on va retrouver un habillement des mages qui vont ressembler beaucoup au style de robes perses que les perses portaient et des casques phrygiens. Donc un accoutrement qui est beaucoup plus commun au Moyen-Orient qu'à Rome. Et ils sont démontrés de profil aussi. Et cette procession-là de mages, elle ressemble vraiment, encore une fois, à ce qu'on retrouve à Nimrud ou à Khorsabad. Ça, c'est en Perse? En Perse. D'accord. Et on voyait sur les palais en bas-relief, diverses images des barbares en soumission pour leur nouvel empereur et présentaient au nouveau souverain des trésors et de la nourriture. Et là, soit dit en passant, dès le 3e siècle de notre ère, toujours à Rome, dans la vieille catacombe de la ville, qui est la plus vieille, oui, c'est ça, la plus vieille catacombe de la ville qu'on appelle la catacombe de Priscilla ou de Priscille, on a retrouvé plusieurs peintures de la Vierge Marie. Et parfois mm-hmm. même, elle était en compagnie de son enfant, donc de Jésus-Christ. Et la petite histoire veut que Priscilla, la mère d'un sénateur romain qui s'était converti rapidement au christianisme, avait été la donatrice de l'endroit, donc un morceau de terre, pour le transformer en cimetière. Et il se trouve que dans la martyrologie romaine, Priscilla, elle est reconnue comme étant la bienfaitrice de la communauté chrétienne de Rome. Donc, il n'est pas surprenant de retrouver ces images-là chrétiennes assez rapidement dans l'histoire de l'iconographie. Et officiellement, en fait, à quel moment de l'histoire est-ce qu'on retrouve les premières scènes de la nativité? Alors, vraisemblablement, c'est avec les Romains. Avec les Romains. Ouais. Celles qu'on retrouve, là, comme je viens de mentionner, sur les sarcophages et dans les catacombes. Par contre, faut se rappeler qu'au 3e et au 4e siècle, la religion chrétienne était loin d'être acceptée. Ce qui explique pourquoi on retrouve des images cachées qui étaient loin de la vue de tout le monde. Ouais. Parce qu'encore à cette époque-là, la religion officielle de l'Empire romain était un polythéisme. Donc, c'est un amalgame de dieux et de déesses là, qui étaient bien à eux. Et lorsque l'Empire va se diviser en deux, les Byzantins qu'on retrouve à l'Est, eux vont conserver ces effigies-là et vont les montrer au grand jour jusqu'à la chute de Constantinople au milieu du 15e siècle. Et éventuellement, plus à l'ouest, on va se garnir de ses propres variations qui sont empruntées au fur et à mesure sur ce qu'on retrouve justement dans l'Empire byzantin. Et éventuellement, on va retrouver au Moyen-Âge beaucoup de peintures. Et bien sûr, par la suite, là, ça va toujours être utilisé. Ce qui m'a frappé et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, on a un certain Saint-François d'Assise qui a organisé pour la première fois dans l'histoire une crèche vivante. Donc, il a créé à Greccio, qui est en Italie, en 1223, dans une sorte de tentative de mettre l'emphase de Noël sur le culte de Christ, plutôt que sur le matérialisme laïque et les échanges de cadeaux. Tiens. Donc, un problème qu'on a encore aujourd'hui, là, pour certains. En l'espace d'à peu près une centaine d'années, toutes les églises d'Italie avaient sa crèche à Noël. Et éventuellement, les statues ont remplacé les participants humains et les animaux. Et les scènes statiques ont été les lieux de figurines très bien habillées, de façon somptueuse, avec des décors très élaborés. Et aujourd'hui, on peut dire que presque toutes les maisonnées, pendant le temps des fêtes, a sa propre crèche en dessous de son arbre de Noël. Ouais. Alors, à la vue de ce petit historique, finalement, est-ce qu'on peut penser que la découverte en Égypte, qui date de 3000 ans, est une représentation d'une scène de nativité? C'est assez incroyable que 3000 ans avant même que l'événement ait lieu, d'après la religion chrétienne, qu'on a cette peinture-là rupestre qui présente des personnages qui tendent un peu à cette évocation-là. Je reviens sur ce qu'on a retrouvé, deux adultes, un bébé ou un enfant, qui est surélevé par rapport aux parents. On a une étoile qui est à droite de ce trio humain-là et on a des animaux qui vont entourer le tableau. Bien sûr, comme il a été le cas avec l'élaboration de l'adoration des mages, qui est basée sur des images plus vieilles et à partir d'une autre source, si on veut, une autre civilisation, on peut croire que le cas de cette image-là provienne d'une histoire ou d'un mythe païen, d'une croyance en fait d'un peuple, d'une population qui était encore en crainte dans une mythologie, et que la religion chrétienne a pris cette idée-là et l'a appliquée d'une façon à ce que la nouveauté qu'on propose devienne peut-être plus facile à accepter et éventuellement à s'approprier. Donc, dans un monde où on peignait normalement des scènes de chasse ou des scènes pastorales, c'est vrai qu'il est assez surprenant de trouver une thématique qui tend vers le spiritualisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et là, il reste à voir si on peut trouver éventuellement d'autres peintures de ce genre-là en Égypte ou ailleurs en Afrique ou même éventuellement en Europe pour peut-être donner un autre sens à cette peinture. C'est intéressant, puis j'imagine que les archéologues, donc spécialistes des peintures rupestres, peut-être vont se mettre à réexaminer certaines peintures qu'ils avaient déjà repérées au Sahara, en Afrique du Nord, peut-être. Exactement. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.